Jusqu'à 20h sur Fadjet, Demain de Maître, présenté par Olivia. Le vert, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il peut se travailler d'un million de façons différentes. À la fois à froid, à chaud, en enlèvement de matière, en ajout de matière. Enfin, en fait, il y a une multitude de possibilités avec ce matériau. C'est ça, moi, qui me fascine dans le vert notamment, c'est que vraiment, il y a tellement de possibilités de façons de travailler, de rendu, d'effet, que c'est hyper intéressant. Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission de Main de Maître qui pousse la porte des ateliers d'artisans d'art en Lorraine et en Alsace. De Main de Maître s'intéresse aujourd'hui à Marie Flambard, créateur verrier. Spécialisée dans la technique de la pâte de verre et le verre au chalumeau, Marie Flambard confectionne des sculptures et des bijoux contemporains. Bonjour Marie Flambard, merci de me recevoir dans votre atelier à Baccara. Bonjour. Bienvenue. Alors Marie Flambard, qui êtes-vous ? Je suis Marie Flambard, créateur verrier installée à Baccara. Donc je suis spécialisée dans deux techniques, donc la pâte de verre et le chalumeau. Ces deux techniques, du coup, je crée des sculptures et également des bijoux, donc notamment des bijoux contemporains. Et justement Marie, si vous aviez une de vos créations que vous devriez choisir pour vous représenter, ça serait quoi ? Alors c'est une question super difficile parce qu'au final toutes mes créations me reflètent un peu, enfin évidemment puisque c'est un peu tous mes bébés. Mais si je devais en choisir une, je pense que je choisirais en particulier Excroissance, puisque en fait je travaille beaucoup sur la phobie. Enfin, l'un de mes axes de travail c'est la phobie, l'autre c'est la nature. Donc sur cet axe de travail sur la phobie en général, je travaille plutôt sur les phobies des autres. Parce que voilà, je me mouille un petit peu moins. Mais sur Excroissance, j'ai vraiment voulu travailler sur mes propres phobies, en particulier ma phobie des membres atrophiés et du corps déformé. Enfin, en tout cas, du corps qui se déforme, soit avec le temps, soit avec des différentes interventions. Et vraiment, cette collection parle vraiment de ça et de mes phobies. Donc ça a été assez cathartique, ça m'a beaucoup aidée et du coup, maintenant, j'ai moins peur. Et alors concrètement, Marie, à quoi ressemble cette collection ? Quelle couleur ? Quelle forme ? Alors cette collection reprend vraiment l'aspect de la peau. On a vraiment, vraiment cet aspect-là. C'est vraiment d'ailleurs là-dessus que j'ai travaillé. Ça a été assez complexe de réaliser des perles, parce que ce sont des perles, avec un aspect proche de la peau, donc avec une couleur proche de celle de ma peau, très très pâle, avec vraiment des aspects comme si les perles étaient en mouvance, quelque peu, comme si elles étaient... On imagine vraiment des sortes d'excroissances, presque comme des tumeurs. Enfin, ça a un aspect quand même tout à fait particulier, je le reconnais. Mais vraiment, sur la peau, on a vraiment l'impression que c'est une sorte de prothèse, que ça vient vraiment faire corps avec la peau, en fait. Marie, vous n'avez pas toujours été artiste verrier ? Effectivement, j'ai réalisé un parcours universitaire en arts plastiques et je suis devenue prof, donc j'étais professeure d'arts plastiques pour les collégiens notamment. Et effectivement, à un moment, il s'est posé un problème, c'est que en étant prof, notamment jeune prof, on n'a plus vraiment le temps de faire de la création. Et effectivement, moi, ça m'a posé de gros soucis de plus pouvoir créer. Parce que ça fait vraiment partie de moi et c'est vraiment intrinsèquement lié à mon bonheur, en fait. Mmh. Du coup, j'ai choisi de modifier légèrement mon orientation. Alors, c'est vrai que la transmission, pour moi, c'est une partie très importante. Donc, ça n'a pas toujours été facile de laisser de côté la transmission, mais de pouvoir vraiment me remettre dans la création et de trouver un matériau qui me permet de pouvoir vraiment travailler avec mes mains, de retrouver quelque chose de plus essentiel que seulement de la théorisation, ça m'a vraiment aidée. Du coup, j'ai cherché le matériau qui pourrait me correspondre le mieux. Donc, j'ai fait différents stages chez plein d'artisans, j'ai rencontré plein de gens, notamment grâce aux Journées européennes des métiers d'art en Picardie à l'époque où je me trouvais. Et j'ai vraiment, vraiment pu découvrir beaucoup de métiers. Par exemple Le métier de maroquinier, cellier harnacheur, parce que je me suis pas mal intéressée au cuir. Le métier de céramiste, le métier de vitrailliste, de souffleur, etc. Et en fait, tous ces artisans que j'ai pu rencontrer, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Donc ça m'a vraiment confirmé que j'avais vraiment envie de travailler en tant qu'artisan. La matière, vraiment travailler la matière de mes mains, vraiment, vraiment travailler de manière concrète en fait. Et du coup, petit à petit, donc, je me suis rendu compte que c'était le verre que je voulais travailler, parce que c'est tellement varié. C'était un coup de cœur pour le verre. Vraiment, vraiment un très grand coup de cœur pour le verre. D'ailleurs, je remercie vraiment les gens qui m'ont menée jusqu'au verre, parce qu'il y en a eu quelques-uns. Et donc... petit à petit, je me suis renseignée sur les organismes de formation. Et à l'époque, moi, j'étais pas du tout en Lorraine. J'étais en Picardie, comme je le disais tout à l'heure. Et moi, je suis pas du tout originaire de l'Est. Donc forcément, c'est pas forcément ce qui m'était venu à l'idée de venir dans l'Est pour faire du verre. Mais malheureusement et heureusement, en même temps, il existe très peu d'écoles et de centres de formation. Et donc, j'ai trouvé le CERFAV, qui correspondait parfaitement, en fait, à ce que j'avais besoin à l'époque. Ce qui a été très intéressant pour moi, c'est que c'est la formation adulte qui, du coup, malgré mon âge avancé, ça m'a permis de faire, de faire un CAP, ce qui est assez compliqué, en fait, dans d'autres écoles. Du coup, grâce à ça, j'ai également pu continuer, en fait, mon cursus artistique. Et c'est ça qui était vraiment intéressant, c'est que, en fait, le CERFAV mêle à la fois le côté artistique, le côté design et le côté apprentissage des savoir-faire. Et c'est ça qui est vraiment, vraiment très intéressant dans cette formation. En fait, on continue à faire de la création contemporaine à partir de savoir-faire ancestraux, quoi. Marie, qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans le travail avec le verre ? Le verre, je le trouve particulièrement intéressant parce qu'il peut se travailler d'un million de façons différentes. À la fois à froid, à chaud, en enlèvement de matière, en ajout de matière. Enfin, en fait, il y a une multitude de possibilités avec ce matériau. Donc en fait, toutes les idées que je peux avoir, toutes les idées de création, tous les croquis que je peux faire, toutes ces choses, en fait, je peux forcément les réaliser avec l'une des techniques que je maîtrise. C'est vraiment merveilleux, en fait. Et justement, Marie, vous nous emmenez dans l'atelier pour la partie confection ? On y va, c'est parti ? Très bonne idée. Alors, là, en fait, je suis en train de préparer mes mandrins. Donc les mandrins, en fait, ce sont des petites tiges d'inox sur lesquelles je vais réaliser les perles. Donc c'est ce qui va permettre de faire le trou de la perle. Et là, je suis en train de mettre un séparateur dessus. Donc c'est un mélange de plein de petites choses. C'est un mélange d'alumine, d'argile. Mm-hmm. Je vous dirais de l'argile. Oui, ça a vraiment cet aspect. Du coup, je le mets sur mes mandrins. À la base, ça, c'est mieux de le réaliser, le soir avant de partir ou le matin très tôt. Comme ça, ça a le temps de sécher. C'est mieux. Là, du coup, je vais les faire sécher directement avec la flamme. Alors, ensuite, je prépare, donc, par exemple, mes petites feuilles métalliques. C'est une feuille de cuivre. Alors là, elle est dorée, mais c'est une petite feuille de cuivre. Et du coup, c'est ce qui va me permettre de faire une inclusion de feuilles de métaux. Donc ça va vraiment donner une couleur particulière au verre et ça va également lui donner des petites bulles. Donc en fait, ça, c'est tout un travail autour de ma collection Aqua. Donc là, je vais réaliser des perles pour cette collection-là. Au chalumeau, tout à fait. Donc on va allumer le chalumeau. Donc là, le chalumeau est allumé. Alors du coup, ce chalumeau-là, il fonctionne à la fois au gaz et à l'oxygène. Donc là, je vais allumer l'oxyconcentrateur. C'est quoi ? L'oxyconcentrateur, en fait, c'est une petite valise qui est dans mon atelier, qui prend l'air de la pièce pour le rebalancer directement en oxygène dans mon chalumeau. Donc c'est ce qui m'évite d'avoir une bouteille d'oxygène. Et ça va rappeler peut-être des souvenirs à certaines personnes, puisque c'est un matériel médical à la base. Donc l'oxyconcentrateur, ce qui est plutôt sympa et agréable, c'est qu'il respire. Donc on va l'entendre respirer tout le long de la démonstration. Ça s'est reposant. C'est un petit côté zen. Donc là, on a le chalumeau qui commence à faire du bruit. Et là, qu'est-ce que vous faites, Marie ? Donc là, en fait, je suis en train de prendre une baguette de verre. Donc là, j'ai plein de petites baguettes de verre devant moi. Donc là, j'ai fait plusieurs opérations en même temps. J'ai pris une baguette de verre. Donc là, j'ai une baguette de transparent dans ma main. Mm-hmm. Droite. Dans ma main gauche, j'ai le mandrin avec mon séparateur dessus, sur lequel je suis en train... je suis en train de faire sécher le séparateur. Avec la flamme du chalumeau. Avec la flamme du chalumeau, tout à fait. Donc ça se fait en deux étapes. La première, c'est un séchage assez succinct. Et ensuite, on le place directement dans la flamme pour que ça commence à rougir. Donc là, je vais mettre mes lunettes parce que du coup, quand je travaille, je mets toujours plus ou moins mes lunettes puisque il y a des rayons en fait qui peuvent abîmer les yeux sur du long terme avec cette flamme. Donc du coup, je mets mes lunettes. Donc j'ai des lunettes par-dessus mes propres lunettes. Vous ne le voyez pas, mais je confirme. Et là, vous allez... Alors là, du coup, je commence en fait à faire préchauffer mon verre. Donc ma baguette, parce que le verre se présente en baguette. Mm-hmm. Et donc je ne suis pas encore dans la flamme. Petit à petit, je rentre dans la flamme. Donc mon verre commence à rougir, doucement, puisque, comme vous le savez sans doute, le verre craint beaucoup les chocs thermiques. Enfin, en tout cas, ce verre-là en particulier, parce que certains autres chalumistes utilisent un autre verre qui ne craint pas les chocs thermiques. Mais là, ici, alors sans rentrer dans des détails techniques, là, j'utilise un sodo calcique. Et celui-ci vraiment craint les chocs thermiques. D'accord. Et là, on voit une boule qui se forme un petit peu... Voilà, petit à petit, en fait, du coup, je tourne en même temps ma baguette. Et du coup, je crée une boule au bout de ma baguette, en fait. Donc, le but, c'est d'avoir une quantité de matière, enfin, assez importante, en tout cas celle qu'on désire, pour réaliser la perle. Donc, ça sera la taille de la perle. Donc là, pour l'instant, je vais, du coup... positionner mon verre en fusion autour de mon mandrin. Donc je tourne mon mandrin, j'ai la baguette de verre au-dessus de mon mandrin et donc maintenant je tourne pour arrondir la perle. Donc là, ça c'est ma première base. La perle s'est déposée sur le mandrin. Exactement. Donc là, je la réarrondis un petit peu. Hop. Et du coup, je vais venir mettre directement la feuille de métal sur ma perle en fusion en fait. Donc là, je l'ai mis directement dans la flamme. Oui. Donc du coup, elle est venue se positionner sur la perle. Et donc, je vais ensuite l'inclure, puisque là, je veux faire une inclusion de feuille métallique. Donc, je vais faire un enrobage en fait. Là, je suis en train du coup de refaire chauffer je suis en train de refaire fusionner en fait le bout de ma baguette pour faire une perle un peu plus grosse. Il faut à peu près que ça fasse deux fois la taille de la perle qu'il y a sur mon mandrin. Et je vais venir ensuite enrober. Donc là, je suis en train de tourner. En même temps que je suis en train de réaliser une boule de verre en fusion, sur mon mandrin, en fait, j'ai toujours la perle qui, pour l'instant, ne bouge pas, mais ce que je fais bien attention à ne pas trop refroidir. C'est-à-dire que là, elle est juste au-dessus de ma flamme, et c'est ce qui permet, en fait, qu'elle ne casse pas. Parce que si je la laisse à l'air libre, très loin de la flamme, là, je suis sûre qu'elle casse et... D'accord. C'est pas du tout le but. Donc elle reste à la chaleur. Donc voilà, elle reste proche de la chaleur, mais sans pour autant être en fusion. Là, en fait, elle ne peut pas se déformer comme ça. Ce qui me permet de pouvoir vraiment gérer la forme en fait. Donc là, je viens faire mon enrobage. Oui, par-dessus la première. Voilà, exactement. Donc là, j'ai mis mon verre en fusion autour de la première perle. Hop. Donc, ce qui me fait une perle à peu près deux fois plus grosse, avec entre les deux, des inclusions. Une inclusion de feuilles de métaux. C'est impressionnant à voir en vrai. Donc là, en fait, on a une perle parfaitement ronde, parfaitement sphérique, puisque du coup, c'est toujours un travail autour de la gravité. En fait, il faut jamais arrêter de tourner. Il faut faire bien attention à la consistance de son verre, au moment où on sent qu'il est trop chaud ou pas assez. C'est vraiment la clé. Et donc, une fois que j'ai terminé la perle et qu'elle est parfaitement. Elle ressemble parfaitement à ce que je voulais qu'elle soit, je vais la mettre au four de recuisson, ce qui est juste à ma gauche. Mm-hmm. Donc, c'est un petit four de recuisson bleu dans lequel, en fait, je vais mettre ma perle pour qu'elle puisse redescendre doucement en température. Afin qu'elle n'explose pas. Exactement. Donc, là, j'ai encore un tout petit peu chaud. Et voilà, donc là je l'ai mis au four et c'est ce qui va permettre donc de faire le palier de recuisson, que la perle obtienne vraiment en fait sa solidité dans le temps et qu'elle soit pérenne, donc même si elle tombe, elle ne cassera pas. Et donc elle va redescendre doucement en température et je pourrai la récupérer demain. Marie, vous travaillez le verre? Mais vous faites appel également à d'autres techniques, notamment des techniques en 3D, pour créer des parures aux formes naturelles et organiques. Absolument. Alors du coup, passer de plasticienne, effectivement, où en fait je m'intéresse à beaucoup de matériaux différents, notamment le cuir, que du coup je travaille notamment par le biais de la découpe laser, ou le silicone, ou des matières plastiques, vraiment plein de matériaux que je travaille par le biais des nouvelles technologies. Les nouvelles technologies, ça a cet intérêt-là, c'est que en fait, ça multiplie les possibilités. On a vraiment un éventail de possibilités qui est vraiment infini, quoi. On peut aller très très loin dans nos idées, dans nos créations. Je dis nous parce qu'au final, les artisans l'utilisent de plus en plus. Moi, vraiment, ça fait partie des choses que je préfère dans mon métier. C'est vraiment aller encore plus loin avec toutes ces techniques. Ce que j'essaye de faire, c'est vraiment d'allier nature et technologie pour vraiment créer des objets originaux et atypiques, en fait. Parce que ça a l'air pas forcément d'aller ensemble, nature et technologie, mais pour le coup, je trouve qu'on arrive à avoir des rendus quand même assez intéressants. Et d'ailleurs, ma toute nouvelle collection qui est en cours va à nouveau parler de technologie et de nature. Alors justement, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur cette nouvelle collection ? Je vais à nouveau retravailler avec l'impression 3D, la modélisation, la découpe laser sur une collection qui s'appellera Végétal 2.0. Alors, à retrouver très bientôt sur les différentes manifestations et aussi sur ma page Facebook. Marie, pour créer la collection Écailles, quelles ont été vos sources d'inspiration ? Alors, la collection Écailles, en fait, je l'ai créée pour un événement particulier, pour la Biennale des bijoutiers qui se passe à Roanne. Donc je l'ai créé en fait en rapport avec les collections permanentes du musée de Roanne, en fait du musée historique de Roanne. Et donc le but c'était de travailler avec l'une de leurs pièces dans la collection permanente. Et moi j'ai choisi un pangolin naturalisé. C'est-à-dire ? Donc un pangolin. Alors ça ressemble à un animal tout à fait particulier, presque à un fourmilier, avec plein d'écailles, très grosses écailles. En fait parfois il se met en boule. Un peu comme les hérissons, mais il n'a pas toutes ses épines. Et du coup, vraiment, il a comme une sorte d'armure. Et donc, il se trouve qu'ils en ont un très grand qui est empaillé donc, au musée des Chelettes. Donc, moi, j'ai choisi de travailler sur celui-ci. Et vraiment, en fait, toutes ces écailles, la manière dont elles sont disposées et également vraiment le côté armure, justement. C'était vraiment ça qui m'intéressait. Donc, du coup, sur ce colis-là, j'ai voulu allier l'inox. Donc travailler en découpe et puis embosser, Et puis le travail du verre à nouveau, donc cette fois-ci avec un aspect un peu assez proche de celui de la pâte de verre en fait, parce que ça je ne l'ai pas expliqué tout à l'heure, mais du coup suivant la manière dont je vais le travailler, je vais avoir des effets et des rendus très très différents les uns des autres. Donc soit avec quelque chose de très brillant, poli, transparent, soit avec quelque chose de presque opaque, voire complètement opaque, soit avec quelque chose de translucide, donc qui va laisser transparaître la lumière, mais qui sera dépoli, donc qui nous permettra pas de voir à travers. Avec des choses très colorées ou transparentes, enfin vraiment. C'est magique. Voilà, c'est complètement, c'est ça moi qui me fascine dans le verre notamment, c'est que vraiment il y a tellement de possibilités de façon de travailler, de rendu, d'effet, que c'est hyper intéressant. Et là, du coup, pour le collier écaille, j'ai travaillé du coup avec du verre transparent que je suis venue découper, refusionner et ensuite dépolir. Donc en fait, il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, mais le rendu est assez proche de celui de la pâte de verre. Et justement, il est dans votre atelier, donc on va s'en approcher, s'il vous plaît, Marie. Il est assez massif. Les plus petites écailles sont très, très proches du cou et les plus grandes descendent jusqu'à la poitrine. Alors il est très très lourd, il faut le savoir, mais en fait il épouse parfaitement le corps, donc en fait une fois qu'il est posé, alors on le sent mais après il est très agréable à porter. Et du coup à l'arrière, donc comme vous pouvez voir, c'est tout un système de cotes de mailles, donc à nouveau pour reprendre un peu l'idée de l'armure. Et du coup il se ferme avec un fermoir aimanté à l'arrière. Et quelle couleur? Alors les couleurs, du coup une couleur inox, donc proche de celle de l'argent, et un aspect, donc pour les écailles en verre, un aspect translucide, mais pas transparent. Une journée dans l'atelier de Marie Flambard, ça ressemble à... Alors, c'est jamais les mêmes. Les journées se ressemblent pas du tout, et c'est aussi ce qui me fascine dans ce travail, c'est que c'est tellement varié, il y a tellement d'étapes que en fait... Il n'y a pas vraiment de journée type. Si, il y a bien quelque chose. C'est que le matin, en général, c'est réservé, en tout cas pour moi, c'est réservé vraiment à l'administratif. Donc je passe vraiment mes matinées sur de l'administratif, l'envoi des devis, des mails, des chèques, des factures, vraiment, ça, c'est vraiment réservé à ça. Donc ça me permet aussi de répondre à mes mails, voilà. Et puis l'après-midi, vraiment, donc jusqu'à... Il n'y a pas d'horaire, c'est ça qui est bien, c'est que je me permets de pouvoir travailler très très très tard. Donc après, toute l'après-midi, le soir, la nuit au besoin, je travaille sur mes créations à l'atelier. Et donc, grosso modo, à quoi ressemblent mes journées types. Marie, on l'a vu au travers de ce portrait, vous êtes sensible à la formation et à la transmission. Et vous avez d'ailleurs sensibilisé des jeunes de collège aux nouvelles technologies. Absolument, oui. Alors, aux nouvelles technologies et également au travail du verre. Donc là, actuellement, effectivement, je travaille avec le collège de Baccara sur un atelier autour du bois et de la modélisation. Et du coup, ça me permet de pouvoir allier, en fait, cette passion pour la transmission et pour également mon travail de verrier, en fait. Vraiment, je peux allier ces deux passions et là, je me sens comblée. La création et la transmission. Exactement. Vous avez remporté un prix en 2017 avec un projet, si je puis dire, qui brise la glace. Oui, effectivement, j'ai remporté donc le prix FIMA, le prix spécial du jury précisément. Le FIMA qui est ? Alors, qui est le Festival International des Métiers d'Art qui a lieu à Baccara. Alors du coup, oui, effectivement, c'est une pièce assez massive, donc c'est une pièce en pâte de verre, qui n'a pas tout à fait l'allure de la pâte de verre dont on a l'habitude. Elle s'appelle Faille, donc c'est... un aspect presque de gros glaçons, de grosses stalactites. Un éclair même, on pourrait dire. Oui, tout à fait. En fait, ça reprend vraiment toutes ces formes-là, toutes ces formes naturelles. Mais initialement, c'est vraiment un travail autour de la faille. En fait, c'est matérialiser ce qui est à la base le vide dans la faille. C'est une pièce qui fait à peu près 45 cm de hauteur. Elle fait 8 kg aussi. Et qui est en fait une pièce qui est suspendue au-dessus d'un miroir. Donc elle vient vraiment effleurer le miroir. Donc elle se réfléchit dans le miroir. Donc c'est assez intéressant. Et en fait, ce qui surprend souvent les spectateurs, c'est qu'elle est vraiment comme en lévitation. On a l'impression qu'elle tient en équilibre. On sait à peine comment elle tient. J'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur « Mais comment ça tient ? Mais c'est dingue !» Et effectivement, c'est assez fou. parce qu'en fait, elle tient avec deux fils, en fait, qui sont très, très transparents et on les voit à peine. Donc, suivant la lumière, effectivement, parfois, on les voit même pas du tout. Donc, c'est assez rigolo. Enfin, c'est vraiment ça que j'ai voulu. C'est vraiment ce que j'ai voulu. En fait, le thème, c'était l'équilibre. J'avais vraiment envie d'avoir une pièce en lévitation. Marie, parlez-nous de la collection Plume. Alors, la collection Plume, elle est venue d'une idée assez simple. Je voulais réaliser des plumes en verre. Mais pas si simple, puisqu'en fait, ça aurait été très très fragile, sachant que c'est un collier, forcément quasiment importable, voire même dangereux. Donc du coup, j'ai choisi de trouver une alternative, en tout cas un autre matériau. Alors, avec un rendu très proche de celui du verre, vraiment... Un aspect proche de celui de la pâte de verre, donc un aspect translucide, un peu brillant, mais pas trop, enfin, vraiment quelque chose de très léger aussi. Et donc, c'est grâce à l'impression 3D que j'ai pu réaliser cette pièce. Donc, à l'arrière, j'ai quand même mis une pâte de verre, parce que je voulais avoir une jolie dorsale. Donc, effectivement, il y a une plume en pâte de verre à l'arrière, mais du coup, tout ce collier qui est quand même assez imposant et tout en volume, en fait, et réalisé en impression 3D. Et le rendu est assez aérien puisqu'il est dans l'atelier, je le vois devant moi. C'est assez aérien quand même, hein, comme rendu. C'était vraiment l'idée d'avoir quelque chose de très léger, léger comme une plume, enfin vraiment quelque chose de effectivement très aérien. Et donc là, c'est chouette qu'on en parle, puisqu'en fait, là, je suis en train de réaliser le collier qui est en duo avec celui-ci. Donc là, en fait, c'est un collier de plumes blanches. C'est toute une collection, en fait, inspirée du lac des Cygnes. Là, je suis en train de travailler sur le collier de plumes noires, qui sera présenté au défilé début mars, un défilé qui se passera à l'hôtel de ville de Nancy. Donc début mars, rendez-vous à Nancy pour découvrir le pendant de la collection plumes. Exactement. Selon vous, Marie, quelles qualités faut-il pour être verrier, créatrice de bijoux contemporains ? Alors, pour être verrier, vraiment, de toutes les techniques, de toute façon, il faut vraiment avoir une bonne vision des volumes. Il faut vraiment déjà savoir un petit peu comment gérer les volumes. C'est vraiment important, puisque tout ce qu'on va travailler en tant que verrier, ça va être en volume. Après, pour ce qui est des techniques plus spécifiques, il faut vraiment des qualités particulières. Par exemple, pour le chalumeau, il faut à la fois être très attentif et avoir vraiment une bonne dextérité. C'est très important et presque être ambidextre, parce que savoir se servir correctement de ses deux mains, c'est quand même assez important. Donc si on est maladroit, on oublie. Ouais, peut-être. non, pas forcément. Parce qu'en fait, ça s'apprend aussi. C'est beaucoup, beaucoup d'heures de travail. Donc, des fois, je suis un petit peu maladroite. Et ben, ça n'empêche qu'après beaucoup d'heures de travail, on arrive à sortir des résultats très, très, très, très satisfaisants. Pour la pâte de verre, là, c'est encore un peu différent. Donc, toujours une bonne vision des volumes. Par contre, ça nécessite vraiment d'avoir beaucoup de patience. Parce qu'en fait, c'est très long. C'est un processus très très long, avec beaucoup beaucoup d'étapes. Et donc, si on n'est pas patient, je crois qu'il faut oublier. Là. C'est un bon conseil. Et ensuite, pour le sablage, toujours une bonne vision des volumes, absolument. Le sablage qui, en deux mots, deux phrases, c'est quoi ? Ah oui, alors, c'est très important. Le sablage, en fait, c'est un travail... Donc, on va travailler sur une grosse masse de verre, et on va travailler avec un gros, très gros jet de sable. Donc ça va être du sable qui est sous pression et qui va venir du coup sculpter le verre. Donc on va venir enlever de la matière avec un jet de sable. Ça se passe en général donc soit dans une petite cabine où on rentre ses mains. Donc ça, c'est pas forcément moi ce que je travaille, puisque je travaille avec un très gros jet de sable pour pouvoir enlever beaucoup de matière. Du coup, moi, je travaille dans une très grande cabine qui a la taille d'une pièce avec un scaphandre. Et donc là, moi, tout ce que je peux conseiller, c'est de ne pas être claustrophobe. Parce que là, c'est vraiment pas possible. D'accord. Les auditeurs seront avertis. Quels sont vos projets à venir ? Les projets à venir, c'est notamment de développer la formation. Parce que ça, c'est un point qui me tient beaucoup à cœur. Donc là, l'agrandissement de l'atelier va être un point crucial. Donc, à partir, enfin, dans quelques mois, je vais pouvoir mettre en place du coup des sessions de formation. Donc, pour plus de renseignements ou s'il y a des questions, les auditeurs peuvent m'appeler. Ce sera avec grand plaisir que j'essaierai de répondre à leurs questions. Et puis pourquoi pas de planifier une session de formation. Ils peuvent aussi vous contacter via la page Facebook. Bien sûr, oui, absolument. Et puis, les projets à venir, c'est notamment pas mal de nouvelles créations, des nouvelles collaborations. Et puis, surtout, des toutes nouvelles collections qui sont dans les tuyaux et qui arrivent très très bientôt. Marie, où pourra-t-on vous retrouver prochainement ? Alors, on pourra me retrouver notamment au Week-end des créateurs à Villers-les-Nancy. On pourra me retrouver à Lunéville pour Talents de Femmes. Et puis, sur pas mal d'autres expos qu'on peut retrouver notamment sur la page Facebook ou sur mon site internet. Parce qu'en fait, je vais être à plein d'endroits dans les prochains mois, donc... Je ne vais pas vous faire toute la liste, mais j'en tout ai plein. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup, Marie Flambard, de m'avoir reçue dans votre atelier à Baccara, en Lorraine. Merci à vous. Retrouvez toutes les créations de Marie Flambard, créateur verrier, sur la page Facebook Demain de Maître. Quant à moi, je vous retrouve le vendredi 23 février dans l'atelier d'un nouvel artisan d'art. À bientôt.